La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, mercredi, troisième épisode de notre série consacrée à la comtesse de Ségur. Sophie de Ségur, née Rostopchine la même année que Balzac en 1799, connaîtra une enfance à la fois privilégiée et austère, voire terrifiante, de par notamment la personnalité de ses deux parents, la froideur de sa mère et l'emportement de son père, dont on sait qu'il n'hésita pas à incendier Moscou, dont il était gouverneur, pour éviter que la ville ne tombe aux mains de Napoléon. Nous en parlions lundi avec Marie Desplechin. Écrivaine sur le tard, Sophie de Ségur a laissé une œuvre abondante, constamment rééditée, qui intrigue toujours aujourd'hui par ce qu'elle recèle de simplicité tout autant que de cruauté, alliage plus osé qu'il n'y paraît pour cette femme que l'on a longtemps simplement prise, soit pour une conservatrice, soit pour une grand-mère écrivant des livres, à moins que ce ne soit elle qui ait voulu se donner cette image-là, comme nous l'expliquait hier Maïalène Berasategui. La perversion, c'est ce que retiennent nombre des lecteurs de son œuvre. L'écrivain Romain Slocombe est de cela. Il a réinterprété les petites filles modèles dans un roman inquiétant, pervers, érotique et vampirique et viendra nous en parler demain en deuxième partie d'une émission qui commencera avec les plaisirs moins défendus de la cuisine chez la comtesse Marie-Joséphine Strich qui a consacré un ouvrage à cette question sera dans ce studio. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration, non seulement de l'œuvre, mais aussi de ce qui l'entoure, à savoir les illustrations, ce sera en seconde partie, et puis avant cela, nous aurons évoqué la place des étrangers dans les livres de la comtesse, ainsi que la trilogie des malheurs de Sophie, tout cela en compagnie d'Isabelle Nière-Chevrel, professeure émérite de littérature à l'université de Rennes. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Il s'est passé entre la comtesse de Ségur et nous une révolution. Cette révolution, nous la rendrons à son auteur, si vous voulez, c'est Madame Montessori. En effet. Il y a eu entre la comtesse de Ségur et nous, Madame Montessori. L'enfant qui était ce petit personnage, vous savez, qu'on voit dans les peintures flamandes ou hollandaises, et qui n'est pas autre chose qu'une espèce de raccourci de la maman. Un raccourci en tout petit de la maman avec la même façon de se coiffer, les mêmes robes. Eh bien, cet univers-là a disparu et il n'a été remplacé par rien. Madame Montessori a fait une révolution admirable, mais nous sommes en train de chercher les bases de cette... Voulez-vous que nous disions qu'il y a un peu trop d'infantilisme dans les livres d'enfants ? Actuellement, oui, je crois. Actuellement, oui, je crois. Et quelle est votre conclusion ? Eh bien, ma conclusion, c'est qu'il faudrait souhaiter, pour notre civilisation et pour notre époque, une comtesse de Ségur qui ne fut point... celle du 19e siècle et qui n'eut point les habitudes excessives que je vous ai indiquées tout à l'heure. Bonjour Isabelle Nière-Chevrel. Bonjour. C'était Armand Lanoux qui disait à Georges Drouet en 1957 qu'il trouvait qu'il n'y avait plus aujourd'hui d'équivalent à la comtesse de Ségur, que les livres de jeunesse étaient par trop infantilisants. Alors vous qui étudiez la littérature jeunesse, que pensez-vous de cette déclaration ? Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. En tout cas, je ne crois pas que ce soit le cas depuis ce qu'on pourrait appeler une sorte de révolution ou de renaissance du roman pour enfants. On va dire roman pour enfants, ou adolescents, on va dire, depuis les années 70-80. Ce qui fait que du temps de cette archive, 1957, oui, à mon avis, c'est vrai. À mon avis, c'est plus vrai. Et même l'album pour enfants était beaucoup plus mièvre que ce qu'il est devenu. Alors, entre la littérature pour enfants du temps de la comtesse de Ségur et aujourd'hui, qu'est-ce qui demeure ? Qu'est-ce qui a profondément changé, Isabelle Nière-Chevrel ? Ce qui a profondément changé, c'est sans doute une laïcisation de la société, une laïcisation et une extension du système scolaire. les lois de Jules Ferry. La comtesse de Ségur écrit sous le Second Empire. Et elle évoque les petites filles, Sophie et Madeleine, etc., reçoivent je ne sais pas trop quoi d'instruction auprès de leur mère. Les garçons sont en pension et Ségur en dira un mal effroyable et montrera des scènes, comment dire, de violence entre les adolescents où l'un essaie de noyer l'autre qui sont dignes d'aujourd'hui. Bon. Dans Un bon petit diable, il y a aussi pension qui est pour pas avoir assez terrible. Avec son éditeur. Donc, ce qui a changé, c'est la scolarisation laïque obligatoire. Bon, et finalement, lorsqu'Hachette lui demande d'écrire la fortune de Gaspard, c'est pour dire les bienfaits de la scolarisation. Et elle va s'en tirer de manière assez biaise, à mon avis. Bon. Et puis, globalement, une laïcisation. Aujourd'hui. Donc, ça change la manière dont les écrivains écrivent. Ah pour oui, les enfants. Forcément. Forcément. Parce que la part, le poids. Par exemple, un grand éditeur catholique, qui était Mame, qui était très important au XIXe siècle, s'est encore à peu près assez bien tiré entre les deux guerres. Puis il a eu des ennuis, bombardement de son imprimerie, etc. Et en gros, je crois pas qu'il ait écrit grand chose comme livre pour enfants après la Seconde Guerre mondiale, hein. Donc, le contexte de vie des enfants et le contexte culturel a totalement changé. Alors, vous êtes également l'auteur d'une introduction à la littérature de jeunesse parue aux éditions Didier en 2009, un livre dans lequel vous posez un certain nombre de questions et notamment celle-ci. Pourquoi les héros de notre enfance? Alors, cela, j'imagine, aussi bien au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Pourquoi ces héros ont-ils toujours été sages? Ce qui n'est pas vraiment le cas de Sophie dans Les Malheurs de Sophie. Si j'ai écrit ça, je me demande dans quel contexte. Bon, alors en fait, je pense que non. Vous l'avez écrit. Parce que pour être héros, il faut transgresser. En fait, au début des quoi? Au début des petites filles modèles. Camille et Madeleine sont tellement sages, d'ailleurs on croit toujours que c'est un calque l'une de l'autre, et il faut qu'arrive d'abord Marguerite avec un bel accident de voiture, où on croit que la mère est morte, que la fille est blessée, puis ça languit un petit peu, et arrive Sophie. Et du moment où Sophie arrive, elle met un bazar du tonnerre, elle a, comme on dit, sa mère dit, Sophie a des idées. Et l'entraîne Marguerite, un peu naïve peut-être, dans des histoires infernales. Et Sophie est ce qui fait qu'il y a de l'histoire. La sagesse n'est pas romanesque, même dans les livres pour adultes. Hein? Bon, alors pourquoi dans les livres pour enfants? Qu'est-ce qui est romanesque précisément? Qu'est-ce qui fait de Sophie de Ségur un très grand écrivain? On a pas mal parlé du contexte, de ce qui entoure la comtesse de Ségur et ses œuvres. On va continuer d'ailleurs d'en parler aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faudrait s'arrêter un moment sur ce qui, selon vous, fait que c'est d'abord et avant tout un grand écrivain. Alors, j'ai employé le mot romanesque, je vais un petit peu revenir. Parce que un de mes amis, Francis Marcoing, dit, et je crois avec raison, que Ségur se méfie du romanesque. Elle envoie la vanité, la marquise sortie à 5 heures. Bon, elle voit bien que c'est idiot. Et donc, comment écrire dans ce cas-là? Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle écrit toujours à partir du quotidien. Par exemple, un économiste a montré que le salaire d'un ouvrier, le prix des fleurs est le bon, etc. Bon. Donc, comment faire de la littérature avec du quotidien? Donc, elle va créer des enfants, en fait, relativement autonomes, parfois en groupe, même souvent en groupe dans les premiers romans, où les parents sont à l'arrière-plan et leur laissent faire des choses. Mais ils ont besoin, elle a des héros sages, Camille et Madeleine, elle a un héros, une héroïne fabuleuse qui est Sophie, et bien évidemment, Sophie est une sorte de double littéraire d'elle-même. Elle lui donne son prénom, c'est pas anodin donner son prénom à une héroïne, même s'il y a plusieurs Sophie qui n'ont pas le même patronyme, et lui donne la même date d'anniversaire, 19 juillet. Bon. Et en fait, une partie des bêtises que fait Sophie sont des bêtises qu'a faites Sophie Rostopchine, mais Olga, la fille cadette de Ségur, dit que c'est aussi ses bêtises à elle. Donc il y a identification, mais qu'est-ce qui en fait du coup un grand écrivain, selon vous? Et son écriture, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Alors, plusieurs choses. Je dirais que c'est un grand écrivain, je crois, au sens assez large qui pourrait valoir pour d'autres. Hein. C'est quelqu'un qui a un univers imaginaire, on va dire, et c'est quelqu'un qui a une écriture. Il est extrêmement frappant. Quand on relit, quand on lit un peu, je dirais pas en série, mais quand on passe d'un roman à l'autre, de voir des thèmes qui se retrouvent. Et des thèmes, d'ailleurs, très souvent relativement anxiogènes. La peur d'être puni, mais ça c'est presque superficiel. La peur de la perte de la mère, la peur de la noyade, la forêt. Alors c'est un peu l'univers des contes, à certains égards. Mais la forêt est toujours un lieu à la fois nocturne et dangereux. Il y aura un sanglier, il y aura des loups. C'est quelque chose de très dur. Bon, et il y a vraiment un univers. Donc elle est un écrivain, un grand écrivain, parce qu'elle décrit ses propres angoisses. Elle n'écrit les enfants, elle écrit sur le papier ce qu'elle ressent aussi. C'est compliqué parce qu'hier c'était très intéressant. Mayelène Berasategui, elle disait, vous lui avez posé la question, mais est-ce qu'elle aurait pu écrire pour adultes ? Bien sûr, elle avait un créneau avec la littérature pour enfants, mais en fait, c'est son univers. La seule chose sur laquelle elle a envie de gratter, c'est deux choses. C'est l'enfance, la sienne, mais l'enfance en général. Et en fait, on l'a dit souvent réactionnaire, elle n'est pas progressiste, évidemment, mais elle peut être d'une extrême sévérité avec son propre milieu. Bon, bien sûr, elle ridiculise les nouveaux riches, c'est le second empire, hein. Mais de l'aristocratie, quand on regarde bien, elle est d'une extrême sévérité. Au fond, on ne la lui fait pas. Hein, elle a une sorte de distance par rapport à son propre groupe. Sans doute, elle est russe aussi. Hein, bon. Et puis l'autre aspect, c'est que je crois que c'est un très grand écrivain. Elle a une possession de sa langue, je dirais, supérieure à nombre d'écrivains. Elle sait ce que c'est qu'un pronom. Elle sait ce que c'est que employer deux fois le même terme ou au contraire le varier. Bon, elle sait, elle a, quand les rares fois où on a des manuscrits et on voit des corrections, on voit, comme pour Flaubert ou autre, pourquoi elle a corrigé, pourquoi elle remplace un adjectif par un autre. Et comment vous qualifieriez cette écriture ? C'est une écriture très vive. Elle dit à son éditeur à un moment, ça nous paraît folle dingue, elle nous dit, bon, moi je sais pas faire une intrigue, j'y vais, je sais même pas ce que je vais faire à la fin de mon chapitre. Bon. Du même coup, elle laisse les vannes de l'imaginaire. Vous voyez, ça privilégie l'imaginaire. Bon, elle retombe sur ses pattes avec différents. Et il y a un art du dialogue aussi, parce que alors, voilà, elle écrit comme si c'était du théâtre, ces dialogues. Vous avez raison. Et ça, à cette manière-là, qui est en fin de compte un héritage de la littérature pédagogique du 18e, entre parents et enfants, etc. Bon, elle utilise en particulier pour éviter les répondit que, dit-il que, etc., etc. Et ça lui donne une extrême vivacité à ces dialogues. Les voilà. Les voitures ont passé la barrière et elles entrent dans le bois. Camille, Madeleine et Sophie se précipitèrent vers le perron où elles trouvèrent leur maman. Elles auraient bien voulu courir au-devant de leur cousin, mais les mamans les en empêchèrent. Quelques instants après, les voitures s'arrêtèrent devant le perron au cri de joie des enfants. Camille, comme tu es grandi, Léon. Léon, comme tu es embelli, Camille. Un extrait des vacances de la comtesse de Ségur, lu par une petite fille qui embellit elle aussi au fond ce texte. Un livre, Les vacances, qui forme une trilogie avec les malheurs de Sophie et les petites filles modèles, mais on retient en général, souvent les malheurs de Sophie, alors que Isabelle Nière-Chevrel, c'est un texte qui vient en incise des deux autres et qui n'était pas prévu au départ. C'est extrêmement curieux. Il y a une distorsion entre la chronologie de l'écriture et celle du romanesque. Elle commence par écrire les petites filles modèles, parce que ces deux petites filles qui s'appellent Camille et Madeleine sont en Angleterre, donc c'est pour elles qu'elle écrit. Bien. Elle écrit son. Et puis, elle annonce à Hachette qu'elle en a un second en route, qui sera tout différent, parce que je ne veux pas obliger d'acheter le premier pour avoir le second, etc., etc. Bon. Elle commence ses vacances, elle écrit 3 chapitres, et elle arrête. Elle en panne, elle ne sait pas quoi inventer. Et elle démarre les malheurs de Sophie. La gamine s'appelle d'abord Marie. Elle a une grande sœur qui s'appelle Pauline. Elle barre Pauline, ça devient Paul. Elle barre Marie, ça devient Sophie. Bon. Pourquoi ? Une des raisons, c'est qu'elle le rapproche d'elle-même. Hein, et qu'elle a un frère qui est mort à 7-8 ans, qui s'appelait Paul. Bon. Donc finalement, c'est vraiment. Donc elle arrête de mettre à distance finalement. Elle oui, c'est ça, voilà. Elle a commencé par mettre en distance. Et bon. Et elle écrit ce roman-là. C'est peut-être un de ceux qu'elle écrit le plus vite en moins de 3 mois. Et en fin de compte, c'est un chef-d'œuvre qui est porté. Et je pense qu'il est porté parce qu'il y a eu une sorte d'impulsion créatrice d'une extrême force. Et il y a aussi, alors, dans les vacances, l'idée qu'il faut en finir avec tous les malheurs que Sophie a eu à subir dans les malheurs de Sophie. Et notamment le fait que dans les malheurs de Sophie, les auditeurs s'en souviennent peut-être, elle est prise avec sa famille dans une tempête sur un bateau. Et la famille part pour l'Amérique et sa mère meurt. Elle voit sa mère mourir. Et ce souvenir-là, elle l'a enfoui car elle l'a vécu très jeune. Elle va s'en souvenir dans le dernier volet de la trilogie, dans Les Vacances, Isabelle Nière Chevrel. Dans la tempête, le texte dit, et non, Sophie raconte la tempête et dit, j'entends encore les cris des mamans. Et sa vraie mère n'est pas encore morte, elle va mourir 2 mois après. Bon. Et effectivement, les vacances, c'est très curieux, parce qu'on ne parle plus de Sophie comme faisant des bêtises. Le sujet n'existe plus. C'est très étrange. Et c'est un texte que je trouve très très très beau. C'est un texte qui est la remontée du souvenir. Elle va dans un jeu de cache-cache en forêt, toute une histoire. Le marin la reconnaît. Le marin, le Normand, lui dit « Mais vous êtes mamselle de Réan ?» Et les autres disent « Mais ils la connaissent sous le nom de Ficini. » Et un des garçons dit « Oh, Ficini, c'est pas beau. J'aime mieux de Réan. » Bon. Et après ça, va arriver Paul. Hein, va arriver Paul, et c'est presque le couple. À la fin des vacances, Simone de Beauvoir dit qu'elle a beaucoup regretté que la comtesse de Ségur n'ait pas marié Paul et Sophie. Toutes les petites filles ont regretté. C'était l'idéal. Bon. Et donc, c'est un roman que je trouve très beau. C'est un roman du souvenir. Il y a un passage que tout le monde connaît, que tout le monde cite. Paul, les amis de Sophie disent, mais tu nous as jamais parlé de ce naufrage. Pour la bonne raison, c'est qu'elle ne l'avait pas inventé à ce moment-là. Bon. Et Sophie dit, et Paul dit, mais tu m'avais oublié. Elle lui répond, non, je ne t'avais pas oublié, mais tu dormais dans mon cœur et je ne voulais pas te réveiller. Pour moi, c'est une des plus belles phrases et peut-être que c'est ça. Écrire pour elle, c'est réveiller son enfance. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir une lecture psychanalytique du fait que dans le 3e tome, elle se rappelle soudainement de ce souvenir d'enfance, parce qu'elle est très jeune quand le navire est pris dans la tempête. Bien sûr, et c'est même plus que ça, parce que Paul dit, donc elle diffracte des problèmes entre plusieurs personnages, et Paul dit que son père lui interdisait de parler. Donc là, on est vraiment du côté de la parole interdite, de la parole refoulée. Et donc, il faut permettre à la parole de ressortir. Son père lui interdisait de parler, notamment de son mariage, de son remariage. Voilà, c'est ça. Bon. Et ça, je trouve que c'est vraiment tout à fait exceptionnel de dire des choses aussi fortes sur l'enfance, l'interdit de parole, et le moment où une personne, quel que soit son âge, peut arriver à s'ouvrir, à défaire les liens et à parler. Et les enfants le sentent en lisant la Comtesse de Ségur. Je vois pas, comment dire. Les enfants d'aujourd'hui, le monde de Ségur leur est très exotique, historiquement, même socialement. Hein, bon. Et donc, c'est qu'ils trouvent d'autres choses, ces figures. Et moi, je pense qu'ils trouvent des choses, ils peuvent pas l'analyser, mais ils vivent, ils sentent des choses de ce genre, je crois. Donc c'est un roman aussi de la mémoire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin et considérer que il y a dans l'exposition des mécanismes de la mémoire qu'on trouve chez Ségur quelque chose qui préfigure, par exemple, des romanciers de la mémoire du XXe siècle et, par exemple, Claude Simon. C'est compliqué parce que je pense que Simon en avait une forme de conscience. Ségur, pas forcément. Mais justement, dans cette intuition. Mais quand même, écoutez, je vais vous lire une toute petite chose. Elle a 55 ans et elle écrit « Si Dieu m'accorde la grâce de marier Olga, sa dernière fille, j'aurais bien assez vécu. À quoi sert une vieille dame dans ce monde ? Une vieille femme, pardon, dans ce monde. Une fois passée à l'état de grand-mère pour ses enfants, ce rôle est bien fini. Elle n'est indispensable à personne. Et ça, je trouve ça étonnant. Elle ne sait pas que le meilleur de sa vie est devant elle. » Pour sa postérité, mais peut-être pour elle-même d'ailleurs, pour sa propre créativité. Après 2 heures de course et de jeu, comme elles avaient très chaud, elles rentrèrent à la maison. « Dieu, que j'ai soif !» dit Sophie. « Pourquoi ne bois-tu pas ?»« Parce que ma belle-mère me le défend. »« Pauvre Sophie, mais c'est affreux cela !»« Sophie, Sophie !» criait en ce moment la voix furieuse de Madame Fichini. « Venez ici, mademoiselle, tout de suite !» Sophie, pâle et tremblante, se dépêcha d'entrer au salon où était Madame Fichini. Camille, Madeleine et Marguerite avaient peur pour la pauvre Sophie. Elles restèrent dans le petit salon, tremblant aussi et écoutant de toutes leurs oreilles. « Approchez, petite voleuse, pourquoi avez-vous bu le vin ?»« Quel vin ? Maman, je n'ai pas bu de vin !»« Quel vin ? Menteuse ! Celui du carafon qui est dans mon cabinet de toilette. Je vous assure, maman, que je n'ai pas bu de votre vin, que je ne suis pas rentrée dans votre cabinet. » « Ah, vous n'êtes pas entrée dans mon cabinet. Et vous n'êtes pas entrée par la fenêtre. Et qu'est-ce donc que ces marques que vos pieds ont laissées sur le sable devant la fenêtre du cabinet ?» C'est la compagnie des auteurs, nous parlons de la comtesse de Ségur avec Isabelle Nière-Chevrel. On avait dit, Isabelle Nière-Chevrel, qu'on parlerait des étrangers dans l'œuvre de la comtesse de Ségur. Et la première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est est-ce que le fait qu'elle soit russe change évidemment quelque chose au fait qu'il y a beaucoup d'étrangers dans son œuvre ? Ou plutôt le fait qu'elle est étrangère, en fait. Moi, j'étais très étonnée parce que j'ai lu des propos de gens qui disaient qu'elle était... xénophobe, comment, quel terme qu'on emploie, parce qu'elle les ridiculisait. Mais pas du tout. En fait, elle a un russe, Tourakine, un italien, Paolo, elle a un anglais, je sais plus comment il s'appelle, Milord, je sais pas. Bon, elle a quoi encore? 2 polonais, extraordinaires polonais, au nom imprononçable. Bon, ils sont tous braques. Et ils sont des gens qui apportent, on parlait, voilà, des bêtises, Sophie. Ils sont une sorte de complément du côté adulte. Ce sont des braques, ce sont des gens qui ne sont pas socialisés, qui sont en dehors du... Ils sont parfois... Ils ont une valeur historique. Les Polonais, c'est les malheureux gars qui reçoivent une petite pension du Second Empire. Bon, mais ce sont des sortes de cinglés. Dourakine est un ogre avec un ventre énorme, mais qui est prêt à adopter tout le monde, qui est prêt à faire des cadeaux à tout le monde. Bon, ils sont déréglés, si on peut dire. Voyez ? Et ça aussi, c'est savoureux. Madame McMish, l'écossaise Madame McMish. Mais ce que vous dites, c'est que ça n'est pas pour ça qu'il y a de la xénophobie. Non. Il y a un peu d'anglophobie, peut-être, quand même. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est le... Et dans tous les milieux, les enfants, les domestiques, le normand, le marin, le normand, les personnes, les miss anglaises ont forcément des grandes dents, enfin, etc. Oui, hein. Je n'aime pas les anglais, j'aimerais mieux n'apprendre pas l'anglais, j'aimerais mieux savoir l'allemand. Voilà. Voilà. J'aimerais mieux savoir l'allemand. Dit Sophie, je non, crois. Non. Les étrangers de Ségur sont ces doubles. Et ce sont peut-être des doubles, d'ailleurs, j'y pense à l'instant. Ce sont des doubles masculins. Hein? Bon, mais c'est une galerie extraordinaire. Ça change quelque chose, ça, que ce soit des doubles masculins ? Eh ben, Ah si, non, non, elle a une femme formidable, mais elle n'est pas étrangère. C'est une vieille fille, c'est mademoiselle Primrose, qui est dans le dernier roman, qui est peintre, qui a peut-être des taches de petites véroles, qui a la bonté même. Bon, mais donc, elle aussi, elle a un côté un petit peu braque. Mm-hmm. C'était plus difficile de faire une femme braque, mais on peut-être. Aime bien les braques. Oui, façon. Mais c'est ça. Et c'est pas si mal dans un livre pour enfants, dont on prétend que tout est dans la morale et la sagesse. Alors, il y a aussi des événements politiques qui se passent à l'étranger. J'aimerais que vous les commentiez. Peut-être que vous nous disiez le regard qu'elle portait justement sur ces événements politiques. C'est intéressant, notamment sur la colonisation de l'Algérie dont on parle dans Les Petites Filles Modèles. Elle en parle très peu. Ça lui sert à expliquer que son mari est mort. Ça lui permet d'être libre, si je puis dire. Ça revient dans un livre qui s'appelle Le Mauvais Génie. Avec la campagne d'Algérie, avec un général Pélissier. Et à chaque fois, elle se garde bien de donner un quelconque avis. La seule chose sur laquelle elle... Non, faut être honnête. Elle est partisane des Polonais contre les Russes. Elle reproche violemment aux Russes de pratiquer le servage. Hein. Et en plus, les Polonais... Elle qui a pourtant grandi avec des esclaves. Exact. Ouais, des serfs, en tout oui, cas. Oui, des serfs. Mais en tout cas, en plus, les Polonais sont catholiques. Ça aide. Hein, tout. Et en général, il y a un roman dans Dourakine. La fille ne peut pas l'épouser parce qu'il serait orthodoxe. Hein. Non, chouette, il est catholique. Bon, c'est bon, ils peuvent se marier. Et la seule chose où elle prend position politiquement, je crois que hier, on en a... Maëlena Berasategui, on a parlé, c'est la cause du pape contre ses suppôts de Garibaldi. C'est pour ça qu'il y a des zouaves pontificaux. Voilà, des zouaves pontificaux. Là, elle est intransigeante. Hein. Ouais. Alors, justement, quel usage en fait fait-elle, puisque c'est un écrivain avant tout, et vous aimez le rappeler, Isabelle Nier-Chevrel, quel usage littéraire fait-elle de la présence de ces étrangers? En quoi est-ce que ça vient aider l'intrigue? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces étrangers? Je pense que parfois, il n'y a pas d'aide... Enfin, comment dire? Par exemple, il n'y a pas toujours une aide dans l'intrigue. Les deux Polonais de comment ça s'appelle? Les deux petits Bretons, là, un petit peu Nigo, là. C'est pas grave. J'ai perdu leur nom. Oui. C'est pas grave, je le retrouverai. Bon, ils sont juste là pour être braques, hein. Bon. Dourakine joue un rôle. Pour amuser, c'est ça? Oui, pour amuser. Dourakine joue un rôle parce que il va jouer le bienfaiteur, il va les emmener en Russie. C'est le seul roman qui se passe à l'étranger. Et un étranger qu'elle connaît puisque c'est quand même son pays. Alors, Paolo est très curieux. C'est un roman un peu oublié qui s'appelle François le Bossu parce que il dit qu'il a participé je ne sais plus à quelle bataille et qu'il s'est sauvé. Il doit la vie au fait d'être caché sous les morts. Et donc, au fond, il revient du pays des morts. Et il va être une sorte de guérisseur. Alors, Paolo, il a peut-être une autre fonction, hein, c'est qu'il a un petit accent. Et ça permet à la comtesse de Ségur de jouer stylistiquement alors, là-dessus. Tout à fait. Alors, elle donne de l'accent à beaucoup de personnages. À Paolo, à Dourakine, non, parce que... Elle ne sait pas si elle avait de l'accent, d'ailleurs. Bon. Non, elle n'a pas d'accent, à mon avis. Je vais dire, mon argument est très simple. C'est qu'on n'a aucun témoignage de l'époque qui dit qu'elle en a. Et je pense qu'elle est bilingue, enfin. Elle est bilingue. Elle est née dans la culture de la langue française. Oui. Toute sa famille parle français, écrit en français, etc. Hein. D'accord. Je pense que c'est ça. Et Paolo, alors? Alors, Paolo, c'est effectivement, il joue, et ça lui donne un petit côté musical, bon, je dirais. Il y a un cas très troublant, c'est Le Mauvais Génie, où l'anglais, elle prête à l'anglais un tel accent, que mon petit Julien devient mon petit Julienne et qu'à un moment, ça commence à paraître suspect. Vous dites aussi que, au fond, cet imaginaire de l'étranger, cet imaginaire des voyages, ça n'est nullement la rêverie d'un ailleurs, oui, que c'est même le contraire. Est-ce c'est que vous pouvez nous raconter ça? C'est même le contraire. Bon, d'une part, il n'y a que deux romans situés à l'étranger, Général Dourakine, et puis Le Bon Petit Diable, mais pour avoir la paix avec son éditeur qui dit que non, en France, on peut pas avoir des traitements pareils, des enfants, etc. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est qu'elle déteste les États-Unis. Elle ne dit que du mal des États-Unis. Bon, bien sûr. Ça, c'est un peu de la xénophobie, alors, quand même. Non, c'est autre chose. Ah bon? C'est autre chose. À la fin des vacances, Tourneboule s'en va en Amérique. Sa fille, Yolande, devient actrice. Bon, c'est pas terrible. Bon, et lui reprend son métier, le marmiton. Elle sent, pour elle, c'est un métier d'inculte. C'est un pays d'inculte. Oui, c'est assez classique, hein, comme vision. Je pense que c'est pas classique à l'époque, hein, bon. Et une fois que Sophie et Paul ont rêvé des perroquets et des Indiens, l'image de l'Amérique du 19e est une image très négative. Mais elle la connaît pas, hein, faut être honnête. Et vous dites aussi, on terminera là la première partie de cette émission, que ce n'est pas la dimension culturelle des étrangers qui l'intéresse, mais ce qu'ils portent en eux d'écart et de pouvoir d'étrangeté. Oui, et c'est toujours l'étrangeté d'ailleurs qui intéresse la comtesse de Ségur. Mais je crois que c'est pour ça que c'est un peu... C'est trop superficiel de penser qu'elle se moque d'eux. Je pense qu'ils sont ses frères, ses doubles. Elle-même, il y a un témoignage chez Madame de Penche qui dit que sa grand-mère, qui est apparentée à la famille de Ségur, lui lisait Ségur et tantôt devant un passage disait, tu vois, grattez, grattez et vous trouvez l'ours. Donc elle-même était sans doute un peu marginale dans ce milieu parisien, d'où le fait qu'elle vit en Normandie. Hein. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Isabelle Nier-Chevrel, on marque une pause dans cette émission, le temps d'accueillir Alexis Broca du magazine littéraire pour En compagnie des revues. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. À la une du magazine littéraire, un dossier consacré au couple scandaleux formé par Rimbaud et Verlaine. Oui, alors c'est vrai que c'est un classique. Hein, Mais on ne s'en lasse jamais. C'est un dossier classique, on ne s'en lasse jamais. Et surtout, on trouve toujours des choses nouvelles autour de ce couple scandaleux, en effet. Et là, c'est vrai que on s'est rendu compte, en y réfléchissant, qu'on a coutume de rapprocher Rimbaud et Verlaine par leurs mœurs et d'étudier leur poésie de façon complètement séparée. C'est-à-dire que, schématiquement, d'un côté, vous avez le Rimbaud qui est prométhéen, qui est voleur de feu, qui est cet adolescent sarcastique qui, par exemple, se moque des pauvres templiers pendus par Saladin dans Les Paladins du Diable, au gibet noir, manchot aimable, danse, les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. De l'autre côté, vous avez Verlaine qui est porté sur l'extase langoureuse, qui goûte les sangles longs des violons de l'automne, qui laisse son cœur d'une langueur monotone mais bien agréable tout de même. Et voilà, on les étudie tous les deux de façon séparée, comme si on mentionne leur passion, mais on fait comme s'ils avaient suivi chacun leur petit chemin poétique sans se lire. Et en fait, c'est totalement faux. Et alors justement, c'est là qu'intervient Robert Kopp qui propose un article sur le regard que Baudelaire portait sur Verlaine et Rimbaud. Alors sur Verlaine, en effet, c'est assez amusant. Bon, il partage cette filiation baudelairienne. Vous savez que Rimbaud écrit dans sa fameuse lettre à Georges Isambard que le poète doit se faire voyant. Bon, ça c'est une allusion très claire au vers de Baudelaire, le poète est un phare. De même, Baudelaire, vous savez, a développé les correspondances, il pouvait voir un pays dans une chevelure. De la même manière, dans les voyelles, Rimbaud fait un feu d'artifice de correspondance synesthésique en quelque sorte. Et quant à Verlaine, c'est amusant parce qu'en effet, il a écrit sur Baudelaire, il a écrit un article dans l'Artiste, qui est un article qui cherche en fait à dépoussiérer la figure de Baudelaire des clichés qui s'accrochent déjà à elle, notamment cette idée du satanisme, notamment le romantisme supposé de Baudelaire. Et en fait, Baudelaire a une lecture assez amusante du journal. Il écrit « Ces jeunes gens ne manquent certes pas de talent, mais que de folie, que d'inexactitude. Je ne connais rien de plus compromettant que les imitateurs et je n'aime rien tant que d'être seul. » Voilà, Baudelaire tel qu'en lui-même. Donc on le comprend, Alexis Broca, c'est la filiation baudelairienne qui les rapproche, mais ce qui les rapproche aussi, c'est l'inspiration politique qu'on a tendance à pas voir du tout. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à gommer. On oublie que Baudelaire, par exemple, était fonctionnaire municipal à la mairie de Paris. Il était expéditionnaire et il est resté. J'aurais vraiment voulu le rencontrer à ce moment-là. C'est étonnant. Et Verlaine, il était encore en poste quand la commune s'est déclenchée. Et lui, il a décidé de rester en poste et de servir la commune. Et c'est pour ça que lui, il sera révoqué. Alors quant à Rimbaud, lui, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit contre les Césars, si j'ose dire, pour la commune. Il y a des, cette thèse discutée, on pense que c'est probable tout de même qu'il est allé dans une de ses fugues à Paris en 1871, qu'il aurait assisté à la Commune. Il y aurait été violé, d'ailleurs c'était une thèse qui est souvent produite. On parle du poème « Un cœur supplicié »,« Mon pauvre cœur bat à la poupe »,« Mon cœur est plein de caporal ». Voilà, ce serait une allusion à cette agression qu'ils auraient subie. Crédit. Pardon ? Et vous y portez crédit ? Pas vraiment. J'ai du mal avec les explications purement biographiques, surtout quand on a affaire à quelqu'un d'aussi foisonnant et luxuriant et insaisissable que Rimbaud. Voilà. Rimbaud, Verlaine, Isabelle Nierchevrel, vous vous y intéressez aussi quand vous avez terminé d'étudier la comtesse de Ségur, ce qui peut-être n'arrive jamais d'ailleurs. Pas plus qu'un Français d'aujourd'hui, en fait. C'est pas un champ, j'ai un collègue qui a beaucoup travaillé sur l'un et sur l'autre, mais... Non, j'étais enseignante en littérature comparée, pas en littérature française. Donc mon champ était plutôt dans les relations internationales. Bon, mais enfin, on vous conseille quand même de vous procurer le magazine littéraire pour en savoir plus sur ce couple maudit ou au contraire pas maudit du tout. Voilà. Merci Alexis. Merci Mathieu. Et dans la seconde partie de cette émission, nous allons poser la question de ce qui fait davantage qu'accompagner les livres de la comtesse de Ségur, tout comme d'ailleurs les livres pour la jeunesse en général, c'est-à-dire les illustrations. Mais avant cela, pour le plaisir, une lecture d'Ourson, extrait des nouveaux contes de fées de la comtesse de Ségur dans une lecture enregistrée en 1957. Il y avait une fois une jolie fermière qu'on nommait Agnella. Elle vivait seule avec une jeune servante qui s'appelait Passerose, ne recevait jamais de visite et n'allait jamais chez personne. Sa ferme était petite, jolie et propre. Elle avait une belle vache blanche qui donnait beaucoup de lait, un chat qui mangeait les souris et un âne qui portait tous les mardis au marché de la ville voisine les légumes, les fruits, le beurre, les œufs, les fromages qu'elle y vendait. Personne ne savait quand et comment Agnella et Passerose étaient arrivés dans cette ferme inconnue jusqu'alors et qui reçut dans le pays le nom de ferme des bois. Un soir, Passerose était occupée à traire la vache pendant qu'Agnella préparait le souper. Au moment de placer sur la table une bonne soupe aux choux et une assiette de crème, elle aperçut un gros crapaud qui dévorait avec avidité des cerises posées à terre dans une large feuille de vigne. « Vilain crapaud !» s'écria Agnella. « Je t'apprendrai à venir manger mes belles cerises !» En même temps, elle enleva les feuilles qui contenaient les cerises et donna au crapaud un coup de pied qui le fit rouler à 10 pas. Elle allait le lancer au dehors lorsque le crapaud poussa un sifflement aigu et se dressa sur ses pattes de derrière. Ses gros yeux flamboyaient, sa large bouche s'ouvrait et se fermait avec rage. Tout son corps frémissait, sa gorge rendait un son mugissant et terrible. Agnella s'arrêta interdite. Elle recula même d'un pas pour éviter le venin de ce crapaud monstrueux et irrité. Elle cherchait autour d'elle un balai pour expulser ce hideux animal lorsque le crapaud s'avança vers elle, lui fit de sa patte de devant un geste d'autorité et lui dit d'une voix frémissante de colère « Tu as osé me toucher de ton pied. Tu m'as empêché de me rassasier de tes cerises que tu avais pourtant mises à ma portée. Tu as cherché à me chasser de chez toi. Ma vengeance t'atteindra dans ce que tu auras de plus cher. Tu sentiras qu'on n'insulte pas impunément la fée rageuse. » Tu vas avoir un fils couvert de poils comme un ours. Et voilà comment les fées jettent des sorts sur les jolies fermières en leur donnant des enfants poilus comme des ours, Isabelle Nierchevrel. Ça, c'est un bon sujet d'illustration, je trouve, pour un illustrateur. Oui, mais alors là, je dois vous dire, je sais qu'effectivement ça a été illustré par Gustave Doré, qui était même quelqu'un de très important, et par un autre illustrateur qui s'appelle Didier, mais... L'honnêteté veut dire que je ne les ai pas en tête. Mmh. En tous les cas, vous avez en tête un certain nombre d'autres illustrations dont nous allons parler maintenant. Peut-être que d'abord, il faut poser la question de savoir comment et pourquoi les images toujours plus riches sont entrées comme ça dans la littérature jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit historique ? Alors, Alors, allons rapidement. La littérature de jeunesse apparaît en France, on va dire, pour aller vite, 18e siècle. Et les livres sont, pas toujours, mais souvent illustrés avec des gravures sur cuivre. D'ailleurs, on peut avoir une édition avec ou sans gravure, ça coûte plus cher avec gravure, etc. Bon. Et l'image, donc, est assez présente dans le livre pour enfants. Qu'est-ce que fait Hachette, qui commence à travailler, je crois, à la veille du Second Empire? Il invente d'abord, sur un modèle anglais, une bibliothèque des chemins de fer, avec l'idée très bête et simple. Dans le train, on n'a rien à faire, on mange, on dort, on peut lire. Et donc, il reprend le modèle anglais et il invente la bibliothèque des chemins de fer. Et c'est pour ça qu'il invente ce que vous appelez les relais, les l'ancêtre des relais. Les bibliothèques des chemins de fer. Et dans cette bibliothèque des chemins de fer, il y avait une collection pour enfants qui était déjà illustrée. Et en 57-58, Hachette a l'idée de détacher cette collection de cette série plutôt, cette collection générale, et de créer la Bibliothèque Rose illustrée. Alors, deux remarques. Rose d'abord. En fait, elle paraissait sous deux apparences, une plus chère que l'autre. La moins chère, c'est juste une couverture en papier rose, un peu rose bonbon, un peu rose dragé. Il en reste très peu aujourd'hui parce que c'est les reliures les plus fragiles. Donc elles sont parties. Bon, et les versions reliées, toilées, avec une toile un peu sorbet à la framboise, c'est celles qu'on trouve le plus facilement. Bon, elles sont plus chères celles-là, mais plus costauds, bien évidemment. Et donc voilà la première chose. Donc du même coup, il y a une sorte d'idée rose, fille, enfant, etc. Bon, mais c'est vrai que il a publié dans ses collections des romans de Man Ray, par exemple, mais quand même beaucoup de romans écrits par des femmes. Mais le mot intéressant, c'est illustré. Sa grande idée, c'est que, puisque c'est dans le titre, c'est que un des attraits de cette collection, c'est qu'elle sera illustrée. Et beaucoup plus, semble-t-il, que les éditions, ce qui se faisait jusqu'alors. Et peut-être beaucoup plus que ce que la comtesse de Ségur aurait voulu, parce qu'elle n'est pas toujours d'accord. On va le voir avec les illustrations et la manière dont on représente ces personnages. Peut-être qu'on peut dire aussi que l'histoire de la lecture qu'on fait des livres de la comtesse de Ségur, c'est aussi l'histoire des illustrations. Parce que, évidemment, quand on est enfant, peut-être encore plus que quand on est adulte, on est totalement happé par l'image et on a tendance à garder en mémoire ces illustrations et à les coller au fond, comme ça arrive avec des adaptations de films, de romans par exemple. On garde en mémoire l'image de l'illustration. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faudrait rappeler ce que la comtesse de Ségur, elle, pensait des différents illustrateurs. D'une part, dans sa grande naïveté, je crois que c'est pour les mères de Sophie, est-ce que je peux indiquer le sujet des figures? Elle n'a pas compris que c'était pas son ressort. Bon. Les deux premiers sont illustrés par Bertal, qui est très à la mode. Moi, je trouve pas ça terrible. Et après ça, elle aura pour les mères de Sophie Castelli, qui est pour moi très passionnant, parce qu'il fait des choses. Elle dit à un moment, c'est un peu charge. Mais au fond, elle trouve ça très drôle. Bon. Alors, vous avez parfaitement raison. Le fait qu'il y ait des images, on le sait, on l'a expérimenté comme enfant, joue sur notre lecture, bien évidemment. On l'a bien vu avec même Jules Verne, hein. Bon. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les fameux fous, les cinglés. Il y a deux cinglés dont l'image a été comme, graphiquement construite pour nous. C'est Madame MacMich, espèce de pantin échalas, etc., et Dourakine, avec un ventre presque au-delà de toute vraisemblance. Bon, et donc là, c'est des succès d'illustrateurs. Mais elle était d'accord avec la manière de représenter ces personnages-là, par exemple? Parce que ça a beau être un succès, oui, c'est pas pour elle ça dit, que bon, elle dit pour, l'auteur bon, est, de, elle est dit d'accord. De Castelli, bon, c'est un peu charge, mais elle trouve qu'il en rajoute un peu, mais quand même, elle aime bien. Mm-hmm. Bon. Et alors, il y a deux... Alors, une chose. D'autre part... Alors, que dire encore? Je suis un peu en désordre, là. Pour les vêtements, il est évident que pour un enfant, des années, on va dire, 1900-1910, qui lit les illustrations du Second Empire sont rééditées telles quelles jusqu'en 1930. Ça devient exotique, ces petits pantalons qui dépassent des robes, etc. Alors que ça ne l'est pas. Lorsque les illustrateurs travaillent, c'est réaliste. Donc, il y a une sorte de déplacement qui se joue. Et puis, il y a aussi un malentendu très intéressant, c'est le kilt de Charles dans Un bon petit diable. le texte n'a pas de kilt, et c'est pour faire écossais. Oui. Donc elle se demande s'il a vraiment bien lu le texte, l'illustrateur. Oui, alors, il y a un autre, elle est furieuse, t'entends. Il pourrait quand même lire le texte. Bon. Mais là, il y a un kilt, et résultat, les commentateurs ont, sans doute pour faire écossais, hein, c'est une sorte de stéréotype écossais, mais du même coup, les gens ont vu, imaginé une féminisation de Charles, les petites boucles, etc. Et donc, par rapport au texte, c'est un contresens. Hein. Bon, mais il est évident que l'illustration joue sur notre mémoire. Alors, ce qu'elle reproche aussi aux illustrateurs, Isabelle Nière-Chevrel, c'est que on ne représente que les personnages. Alors qu'elle, elle souhaite montrer des scènes aussi. Elle souhaite montrer les maçons au travail, elle souhaite montrer des scènes du quotidien. Et là aussi, du coup, ça biaise un petit peu la lecture que l'on a de la comtesse de Ségur, de la même manière que certains des illustrateurs ont tendance à représenter toujours deux en pied les personnages, alors que d'autres ont tendance à faire des gros plans, ce qui va peut-être intensifier effectivement l'effet, et ça lui convient mieux. Alors, c'est évident que quand un illustrateur choisit des scènes, au fond, la scène est là deux fois, elle est par le texte et par l'image. Donc, il y a un effet de polarisation, si vous voulez. Hein, bon. Alors, c'est vrai que la tendance de l'époque, c'est de figurer des silhouettes et des personnages, hein, et beaucoup moins des décors. Si j'ai le temps, il y a une image où Castelli réussit de manière, pour moi, extraordinaire. C'est lorsque Sophie est sous la goutte d'eau, dans la pluie pour se faire boucler les cheveux, et qu'il la représente dans une scène nocturne, sous la gouttière, et toute l'eau lui tombe dessus. Et c'est vraiment toute la misère du monde qui tombe sur Sophie. On est obligé de dire, par exemple, dans Les Petites Filles Modèles, on voit l'énorme Madame Ficchini qui est en train de fustiger la petite Sophie avec des verges. Et la marâtre qui fait ce travail, Madame Ficchini, a toujours son nécessaire sur elle. Je n'invente pas ici, je cite. Madame Ficchini tira de dessous son châle une forte verge et fouetta à coups redoublés jusqu'à ce que l'instrument se brisa entre les mains. Alors ceci se passe devant les petites de Florville qui sont terrifiées. Voilà tout de même une partie de l'univers de Madame de Ségur que l'on n'a pas le droit de laisser tomber. Madame de Florville, dont je viens de parler, elle-même est pompeusement parée, n'est-ce pas ? Elle va porter plainte à la meunière dont la fille a volé la poupée de Marguerite. Alors voilà le résultat. Devant tout le monde, comme dit le vieux slogan d'éducation populaire, la mère Léonard empoigne Jeannette avec accompagnement de plus de 20 coups de pied et soufflets. Et attention, les dames qui sont venues porter plainte en quelque sorte à la meunière à cause de sa fille, les dames n'intercèdent point, elles s'en vont. Monsieur de Réan, lui, un autre personnage, administre à sa femme une raclée avec, je cite, tant de coups de cravache qu'elle hurlait plus qu'elle ne criait. Il s'agit cette fois de sa femme. Jusqu'à Dourakin, qui assomme à moitié le petit Orchenet à coups de knout. Nous avons affaire tout de même à un univers dans lequel la cruauté a son importance et qui ne peut pas rester insensible aux enfants qu'ils lisent. Armand Lanoux, qui parlait de la cruauté chez la comtesse de Ségur, on peut se demander aussi comment les illustrateurs prenaient en compte cette cruauté. Est-ce qu'ils la représentaient? Est-ce qu'au contraire, ils l'atténuaient? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent des citations, et je crois que c'est la seule fois où c'est figuré, c'est lorsque Madame Ficchini fouette Sophie devant tout le monde, et les autres petites filles sont là apeurées. Hein, bon. Alors, Je crois que c'est peut-être la seule scène où c'est figuré. Donc il y a une volonté pour les illustrateurs, des illustrateurs plutôt, de d'édulcorer un petit peu le texte. C'est possible, il faudrait prendre ça point par point, effectivement. C'est possible. Alors, c'est peut-être l'éditeur qui est davantage aussi derrière l'illustrateur que derrière l'auteur. C'est difficile, on manque aussi parfois un peu de documentation pour savoir les choix des uns et des autres, s'il y a eu des... Vous voyez, il y a des difficultés. Alors, la difficulté, c'est que, d'une part... Les châtiments corporels étaient sûrement plus fréquents qu'ils ne sont maintenant, bien évidemment. Que Ségur, dans un texte tardif qui s'appelle « On ne prend pas les mouches avec du vinaigre », et même par rapport à Madame Ficini, les dames disent que la solution du châtiment corporel est une imbécilité. Hein, et il revient longtemps dans un texte qui s'appelle « Le truc ancien régime hein, », de « Le châtiment des enfants ». Hein. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est dans le général Dourakine, c'est lorsque Madame Papovska, c'est ça, se fait fouetter, elle se sentit fouettée, et que d'adultes disent que c'est leur première émotion érotique. Ah, il faut que vous écoutiez demain, Romain Slocombe. Il y a Jacques Laurent qui s'appelle Étrennes noires, qui porte là-dessus. Hein. C'est évident qu'il y a une dimension de l'émotion sexuelle très trouble chez Ségur. De même, il y a beaucoup de scènes de voyeurisme, ou bien voir sans être vu. Enfin, c'est très très fréquent. Alors ça, à mon avis, ça la dépasse. Et je n'ai jamais compris, pour la Pavoska, que l'éditeur n'est pas... Ou ils ont mal lu. Dernière chose peut-être sur cette question de l'illustration. Il y a un tableau. Le tableau du personnage de Ramoramor, c'est difficile à dire, qui là est un cas où on ne parle plus de l'illustration, mais on parle de la comtesse de Ségur qui parle d'une image. Or, on a plutôt dit que c'était un écrivain de l'oreille qu'un écrivain de l'œil. Bon, en tous les cas, cette image qu'elle décrit, ça n'est pas pour rien. Il y a une raison qui est presque politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Alors, il y a deux choses. D'une part, Gaston, donc, comme ça a été rappelé dans une des émissions, voulait être peintre et était dans l'atelier de Delaroche. La comtesse de Ségur elle-même peignait. Et qui est-ce qui est peintre ? C'est la fameuse vieille fille, Mademoiselle Primrose. Bon, donc c'est là, elle met en scène et la gravure représente devant. Et elle fait un tableau en pied de Ram pour lui faire honneur. Donc c'est qui ce Ram alors ? C'est ça qui est important. Ram, je ne sais plus très bien. Ça doit être aux Antilles, Guadeloupe ou Martinique, je ne sais plus. C'était le serviteur de la famille et qui revient. On voit bien l'influence de la case de l'oncle Tom pour protéger la petite Geneviève qui est orpheline, etc. Bon, c'est le bon gars des bons gars, hein. Ségur occulte un peu le fait que c'est gentil d'être dévoué, mais quand même, il est serviteur et il n'est pas dans son monde, hein. Et il est violemment attaqué par Georges, le mauvais garçon de Monsieur Dormer. Bon. Mais néanmoins, on fait son portrait. Pour quelle raison? Pour le magnifier. Pour le magnifier. Et, Mademoiselle Primrose, veut faire plaisir à Ram. Et il veut avoir un bel habit. Hein? Donc, elle va le mettre en gloire, comme on fait des portraits de généraux qui traînent oubliés dans tous les musées. Et donc, c'est une façon, si on va au bout du raisonnement, d'inverser le rapport de domination. On pourrait dire. Bel habit, celui qui est en fait l'esclave. Sauf que ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas un réel, si vous voulez. Vous dites que le rêve que Ségur prête à Ram, c'est une réminiscence de la vie glorieuse et dramatique du héros haïtien Toussaint Louverture. Très probablement, j'ai beaucoup cherché là-dessus, et il est probable que c'est ça. Bon, et il y a toute une série d'histoires qui à cette époque-là qui se passent avec les colons des Antilles, etc. Hein? Et la case de l'oncle Tom alors? La case de l'oncle Tom a eu un succès absolument considérable en France. Dit traduction en un an, etc. Il est certain qu'elle a lu la comtesse de Ségur. Comment dire, si elle l'a pas lu, elle en connaît la trame, si vous voulez. Personne ne peut l'ignorer. Et c'est donc pour ça qu'elle ferait cette séquence avec ce tableau. Merci beaucoup Isabelle Nierchevrel pour tous ces éclairages sur la comtesse de Ségur. Je vous propose de terminer cette émission avec des textes poétiques choisis et interprétés comme chaque jour pour nous par Jacques Bonafé. Bonjour, à travers les poèmes de Ossip Mandelstam, exil et souffrance, il est envoyé sans répit dans les camps, les cités lointaines de Sibérie. Le logement se tait comme le papier. Il est vide, sans le moindre ornement. J'entends l'humidité qui suinte dans les tuyaux des radiateurs, tout notre bien dans un ordre parfait, figé comme un crapaud le téléphone, bien qu'elles en aient vu d'autres, nos affaires supplient qu'on les laisse échapper. Et les murs maudits sont tellement minces, dire qu'on ne peut aller ailleurs. Et il faut comme un pantin que je joue sur les dents du peigne pour n'importe qui. Plus insolent qu'une cellule de Kopsomol, plus insolent que le chant des universités, qu'à des bourreaux assis sur les bancs de l'école, j'apprenne à gazouiller. Citation d'un autre poème. Oh, cet espace lent, cet espace suffocant, j'en suis repu jusqu'au malaise. L'horizon reprend souffle et s'ouvre béant. Que n'ai-je un bandeau sur les yeux? Une citation n'est pas un extrait. La citation est une cigale. Sa nature est de ne pouvoir se taire. Une fois accrochée dans l'air, elle ne le lâche plus. Citation de Ossip Mandelstam. Le siècle. Extrait de Tristia et autres poèmes, poésie Ganimard. Siècle mien. Brute mienne, qui saura plonger les yeux dans tes prunelles et ressouder avec son sang les vertèbres des deux siècles? Torrentiel des choses terrestres, le sang bâtisseur ruisselle et sur le seuil des jours nouveaux, le parasite en a tremblé. Plus loin dans le poème, pour délivrer l'âge captif, commencer un monde nouveau, que les degrés noueux des jours soient liés comme ceux de la flûte. La vague ondule, c'est le siècle qui l'émeut d'une angoisse humaine. Tapis dans l'herbe, la vipère respire au rythme d'or du siècle. Les bourgeons vont s'enfler encore, les jeunes pousses jailliront. Hélas, on t'a rompu l'échine, mon beau. Mon pitoyable siècle, riant aux anges, tu regardes derrière toi, faible et cruel, comme un fleuve souple jadis, les traces de tes propres pattes. Écrit en 1923. Non, je ne peux me cacher de l'énorme bêtise derrière l'échine de cocher de Moscou. Je suis dans la foule, la cerise du tram d'un temps terrible et je vis sans savoir pourquoi. Nous allons prendre ensemble le A, puis le B, et on verra qui de nous mourra le plus vite. Mais elle, elle est tantôt comme un petit moineau, tantôt comme un soufflet, toute gonflée de vent. Dès qu'elle menace du fond de son repère, toi, fais comme tu veux, je ne m'y risque pas, moi qui n'ai sous le gant pas assez de chaleur pour faire tout le tour de Moscou, la putain. Écrit en avril 1931, une traduction de François Quettel pour l'édition Poésie Gallimard, Tristia et autres poèmes. Jacques Bonafé qui lit cette semaine des textes d'Ossip Mandelstam. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Théo Gomard et à la préparation, comme d'habitude, Didier Pinault, Corinne Amaran, Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Vous pouvez retrouver ce numéro ainsi que les précédents sur notre site internet. Vous pouvez également les podcaster via iTunes notamment. Demain, gourmandise et perversion au menu de notre émission. Marie-Joséphine Strich nous parlera dans un premier temps de la cuisine de la comtesse de Ségur. Et puis nous serons ensuite avec Romain Slocombe qui a lui écrit des petites filles modèles inspirées par celles de la comtesse, mais en plus inquiétantes, perverses et érotiques. Vous l'entendrez. En attendant, vous pouvez réécouter et podcaster cette émission ainsi que les précédentes, tout cela sur notre site. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Très bon après-midi à toutes et à tous.